Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la rumeur des Roms kidnappeurs d'enfants ou le pogrom 2.0. L'histoire que vous allez entendre est celle d'une épidémie, une maladie qui se transmet oralement à une vitesse fulgurante et contre laquelle aucun antidote ne fait effet. Ce virus, c'est la rumeur. Et comme tous les virus, il laisse des victimes sur son passage. L'an dernier, en mars 2019, un bruit court dans le département de Seine-Saint-Denis. Des Roms ou des Roumains circuleraient en camionnette et enlèveraient des mineurs pour les prostituer pour vendre leurs organes. La rumeur, totalement infondée, se répand alors sur les réseaux sociaux qui souvent ne demandent que ça. Les conséquences sont dramatiques. Lynchage, incendie, intimidation, menace de mort. Les Roms de Seine-Saint-Denis et par extension les ressortissants d'Europe de l'Est vivent dans la peur. Notre invité aujourd'hui, Christophe Boltanski, journaliste, écrivain, auteur d'un reportage sur cette rumeur paru dans Zadig l'année dernière. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. C'est la nuit à Bobigny, mais dans le bidonville des Roms de la rue de Paris, les hommes ne dorment pas. Ils sont postés à toutes les entrées. Ils tiennent des lampes torches, des manches de pioche, des clubs de golf. Ils sont silencieux, scrutent la pénombre, tendent l'oreille au moindre craquement, à la moindre voiture. Ils guettent. Derrière eux, barricadés dans des caravanes de bungalows de misère, les femmes, les enfants et les anciens tentent de trouver le sommeil. Mais ils n'ont pas quitté leurs chaussures. À tout moment, il faut pouvoir s'enfuir. Au centre du campement, un bidon en ferraille rouillé. À l'intérieur, le feu qu'il faut alimenter jusqu'à ce que l'aube éclaire les visages préoccupés de ceux qui ont abandonné l'idée de dormir. En cette nuit du mardi 26 au mercredi 27 mars 2019, de mauvaises ondes se sont installées et tous s'attendent au pire. Il est 2h du matin quand ils arrivent. On entend un coup de feu. Là, de l'autre côté du canal qui borde le campement, à une dizaine de mètres, une voiture rôde. À l'intérieur, des hommes hurlent. On va prendre vos enfants, on va les jeter dans le canal, on va vous égorger. La nuit, ils sont venus 15 personnes. Ils sont venus avec de l'essence pour y mettre du feu. Ici, pour, ils disent que nous, avec nous, les enfants, ils vont mourir tout de suite. Et à cause de tout le monde. C'est pas normal comme ça. Ça, c'est des racistes. Les familles se bousculent vers le centre du bidonville, autour du foyer. Les enfants pleurent, les mères les pressent d'avancer, les anciens suivent comme ils peuvent. Les assaillants sont une quinzaine. Ils brandissent des pierres, des bombes lacrymaux, des couteaux. Et les voilà qui s'approchent dangereusement, qui lancent des briques sur les habitants affolés. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Les hommes du campement et la police qui patrouillent les font fuir. Pour cette nuit-là, le bilan est de 2 caravanes incendiées. Les familles soufflent. Il aurait pu être bien plus lourd. Mais qui sait ce que leur réserve le soir suivant? Le motif de ces attaques? Des vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Elles appellent à l'expédition punitive. Elles prétendent que les Roms enlèvent des enfants. On a connu les sans-fenêtres, les sans-dents. Voici les sans-cerveaux. Ils se mettent en ordre de marche. Remonter le cours d'une rumeur, c'est comme rechercher le patient zéro d'une épidémie. C'est compliqué et très peu fiable. Mais on peut penser que celle autour des Roms kidnappeurs d'enfants a sérieusement commencé le vendredi 8 mars 2019. Ce jour-là, deux enfants se rendent au commissariat de Noisy-le-Sec, accompagnés de leurs parents. Ils sont venus déposer une main courante. Ils disent avoir été victimes de deux tentatives d'enlèvement. Les deux fois, les malfaiteurs auraient tenté de les faire monter dans une camionnette blanche. Ils en ont relevé la plaque d'immatriculation, ont noté ses heures et ses lieux de passage et font une description des prétendus kidnappeurs. François Léger, directeur territorial de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis, en témoigne sur France 2. Deux enfants sont venus avec leurs parents pour témoigner de tentatives d'enlèvement à deux reprises et la procédure qui a été initiée à cette occasion a démontré qu'ils avaient menti, ce qu'ils ont parfaitement reconnu. La police de Noisy-le-Sec retrouve le propriétaire de la camionnette blanche. Il n'a rien à se reprocher. L'affaire est close. En réalité, elle vient de commencer, car le mal est fait et le bruit commence à se répandre. Vendredi 15 mars, une semaine plus tard, il est 17h. C'est la fin de la journée au collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois. Devant l'entrée, trois élèves de 5e traversent la route. Une camionnette blanche approche. En passant à leur niveau, elle ralentit. La vitre se baisse. Un homme les regarde, puis la voiture repart en accélérant. Pas grand-chose, donc. Mais les trois collégiens sont au courant des rumeurs qui se propagent depuis quelques jours, et ils paniquent. Ils se ruent dans le collège et courent chercher la directrice. « Madame, on a essayé de nous enlever. » Le même jour, une plainte est déposée au commissariat de Colombes. Une jeune femme dit qu'un conducteur lui a fait un clin d'œil, qu'il s'est arrêté à une dizaine de mètres devant elle avant de faire marche arrière dans sa direction. Juste à côté se trouvait une camionnette blanche. Cette jeune femme, elle aussi, avait eu vent des bruits qui circulaient et, dans la panique, elle a cru qu'on tentait de l'enlever. Voilà donc comment, en une semaine et trois mains courantes bancales voire mensongères, la Seine-Saint-Denis s'est enflammée. De téléphone en téléphone, sur Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ou Snapchat, les messages tournent, comme celui-ci. Faites passer le message, camion blanc et Clio. Cette semaine, enlèvement à Bondy Nord d'une adolescente de 16 ans en plein jour. Aussi à Dugny, Drancy, Saint-Denis, Neuilly-sur-Marne, etc. ces 15 derniers jours. Dans tout le département du 93 Seine-Saint-Denis, c'est un réseau de prostitution et d'organes. Femmes, enfants, adolescents, filles, garçons, évitez les petites ruelles et accompagnez vos enfants à l'école. Et la rumeur gagne du terrain. De Noisy-le-Sec, Colombes, Clichy-sous-Bois, elle est passée à Sarcelles, Montfermeil, Bondy, quasiment toute la Seine-Saint-Denis, jusqu'à Nanterre, Haute-Seine, département frontalier du 9-3. De tentatives d'enlèvement, elle est devenue une affaire de prostitution et de trafic d'organes. Et comme à tout crime, il faut un criminel, la rumeur en désigne un, le Rhum. Pas un Rhum en particulier, non, pas un réseau de Rhum, non, le Rhum. Et par extension, les Roumains, les Bulgares, les Serbes, les Moldaves, et tous ceux qui semblent être originaires d'Europe de l'Est, de près ou de loin, et aux yeux de certains, disons-le tout net, pas clair. Et les messages ne se contentent pas de relayer des appels à la prudence, non. Ils font courir le bruit d'autres enlèvements ou de nouvelles tentatives. Chacun tient l'information de personnes fiables, bien sûr, qui la tient elle-même de gens qu'il connaît bien, évidemment. D'autres sont même convaincus d'avoir assisté à des tentatives d'enlèvement. Et l'hallucination gagne du terrain, elle aussi, à coups de vidéos comme celle-là. Donc là, au départ, je pensais que c'était une rumeur. Visiblement, donc c'est il y a une petite que je connais très très bien, donc c'est la fille d'une amie à moi. Donc elle s'est fait courser il y a quelques jours, donc c'était à Sarcelles. Les gens qui tournent en camion là, qui essaient de kidnapper les petites filles, la vérité, croyez même pas que c'est du bluff ou que c'est de la tchatch. Tous ceux qui viennent de Clichy-sous-Bois, Montfermeil et qui connaissent Espion, c'est mon voisin du B5, ils ont essayé de kidnapper son neveu aujourd'hui. Ils ont une plaque roumaine en fait. Ils ont une plaque roumaine. C'est quoi, voilà, ils ont essayé de prendre ma fille. En fait, ils ont essayé de prendre ma fille. En fait, là, je suis pire que ouf. En réalité, cette rumeur des Roms kidnappeurs d'enfants existe depuis des années en Seine-Saint-Denis. C'était même une espèce de plaisanterie. Dans les bidonvilles éparpillées dans le département, on s'amusait à dire qu'il y avait des enfants blonds, arabes ou noirs qui parleraient le romani, la langue des Roms, qui seraient élevés par les Roms, mais qui, manifestement, ne seraient pas leurs enfants. Cette blague douteuse cachait en fait un racisme profondément enraciné. Le 16 mars 2019, le lendemain de la fausse tentative d'enlèvement au collège de Clichy-sous-Bois, un élève est surpris avec un couteau caché dans son sac. « C'est pour me défendre en cas d'enlèvement », explique-t-il. À la récréation, c'est le sujet de conversation de tous les élèves. Au début, on n'y croyait pas trop, dit un gamin de troisième. Mais à force de voir les images, hein, vous comprenez, monsieur. Il n'y a pas que les élèves qui sont inquiets. Les surveillants, les professeurs, la directrice, eux aussi frisent la parano. Bon, tout de même, l'histoire a tout l'air d'être une rumeur, mais si c'était vrai. La profusion des images est convaincante. Sur les réseaux sociaux, on voit en vrac la photo d'une plaque d'immatriculation, les visages de prétendus agresseurs, des photos détournées de procès-verbaux, d'autres de camionnettes, souvent blanches, parfois rouges, d'autres fois jaunes. Mais derrière un soi-disant appel à la prudence, se cache une incitation à la haine et à la violence. « 22h, 16 mars, cité des grèves, Colombes. Une camionnette blanche immatriculée en Europe de l'Est circule tranquillement rue du président Salvador Allende. Jusqu'à ce que, comme dans un western, une vingtaine d'individus lui bloquent le passage et l'attaquent. La scène est d'une violence inouïe. Le pare-brise est défoncé, les assaillants enragés extirpent le conducteur et son passager. Les deux victimes, qui ont le tort d'être d'Europe de l'Est et de conduire une camionnette blanche, parviennent tant bien que mal à se relever et à trouver refuge dans un pavillon voisin. Une fois sur place, la police n'a d'autre choix que de disperser la horde à coups de grenade. Les images de l'intervention circulent elles aussi sur les réseaux, sous le titre « Il a de la chance qu'il y a les Condés ». Une photo relayée en masse avec une fierté assumée, y compris pour la syntaxe. Sur Facebook, les parents du département de Seine-Saint-Denis s'organisent à l'initiative d'un homme dont la vidéo est visionnée des dizaines de milliers de fois. Sarcellois et autres banlieues, bonjour. Je fais cette vidéo parce qu'en ce moment, il y a une organisation qui tente au fait d'attraper nos enfants dans le but de les prostituer et de vendre leurs organes. Donc c'est quelque chose de sérieux. Donc comme on dit, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et moi, j'ai plutôt envie de dire, même si ça arrive aux autres, c'est quelque chose de malheureux. Restons vigilants. Donc, j'ai créé un groupe. Donc, c'est pour une vigilance citoyenne. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Donc, gardez un œil sur vos enfants. Mais aussi, j'aimerais dire, gardez un œil sur les enfants des autres. Partagez au maximum cette vidéo. Donc, quand il y a des challenge buckets, des challenges à deux balles, donc tout le monde partage. Là, c'est quelque chose de très sérieux, s'il vous plaît. Faites tourner l'information dans toutes les banlieues. À l'image de cet homme, les internautes qui diffusent ces appels à la prudence le font en grande partie par solidarité. Ils appellent à protéger leurs enfants, à surveiller ceux des autres. Ils font communauté. Et certains veulent tellement croire à cette rumeur qu'ils inventent les histoires les plus insensées. La police rapporte des témoignages incriminant des prétendus Roms africains ou de Roumains pactisant avec le diable. Dans toute la Seine-Saint-Denis, le délire est tel qu'il suffit maintenant de l'apparition d'une camionnette immatriculée dans un pays d'Europe de l'Est pour semer la panique. Le samedi 23 mars, à Montfermeil, deux adolescentes sortent du stade Henri Vidal. Elles jouent dans une équipe de jeunes du football club Montfermeil. Elles viennent de disputer un match, elles rentrent chez elles et aperçoivent sur leur chemin une camionnette stationnée. L'une d'entre elles, affolée, appelle son père, lequel prévient la direction du club qui se fend sur Facebook du communiqué suivant. Quatre de nos joueuses des moins de 15 ans ont été victimes d'une tentative d'enlèvement ce samedi 25 mars 2019 dans la ville de Clichy-sous-Bois. Des adultes malveillants ont tenté, alors qu'elles se déplaçaient en groupe, de les forcer à entrer dans leur véhicule. Le président du FC Montfermeil a informé de la situation, les maires de Clichy-sous-Bois, de Montfermeil et le préfet. Les jeunes filles étaient deux, elles sont finalement quatre. Elles avaient vu une camionnette stationnée, elles ont en fait échappé à une tentative d'enlèvement. La rumeur déforme, et quand elle se diffuse, personne ne se risque à s'y opposer. Pourquoi la démentir, puisqu'au fond, on n'en sait rien. Devant les écoles primaires et les collèges, parfois même devant le lycée, les parents apeurés viennent chercher leurs enfants. Comme devant l'école Jean Jaurès à Sarcelles. Une mère de famille confie aux autres sa terreur. Bien sûr qu'elle y croit. Ce n'est pas pour rien que l'information tourne sur tous les réseaux sociaux. Il n'y a pas de fumée sans feu, vous savez. Bon, certains lui rétorquent qu'il n'y a aucune preuve et que l'histoire semble tout de même un peu grosse. Mais les autres parents insistent, brandissant leur téléphone portable, montrant aux sceptiques les vidéos du jour et les derniers tweets, comme les deux suivants, datés du 25 mars. Faut créer une brigade barque, brigade anti-Roms kidnappeurs, avec des mecs qui rôdent toute la nuit en voiture. Nous, c'est ce qui se passe à Montfermeil. Voilà comment on les a trouvés, ces sales chiens. Une seule solution, la lapidation. Quand les pouvoirs publics sont pas assez rapides, la justice sociale prend le dessus. Deux semaines après la première main courante, la rumeur enflait jusqu'à appeler à l'expédition punitive. C'est comme un pogrom ou une ratonnade qui s'organise sur les réseaux sociaux. Le lundi 25 mars, David Moreira, le commissaire de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, fait circuler un avertissement à toutes les communes environnantes. Avec un sens aigu de la litote, il met en garde contre, dit-il, une certaine psychose qui commence à s'installer. Mais c'est déjà ça. La préfecture de police, elle, tente de démentir la rumeur, elle aussi sur Twitter. Fake news. Une fourgonnette blanche circule entre les villes de Nanterre et Colombes pour enlever des jeunes femmes. Suite au partage de cette rumeur sur les réseaux sociaux, deux personnes ont été injustement accusées puis lynchées. Ne relayez plus cette fausse information. Mais dans la guerre des tweets, ce n'est pas la police qui gagne. En fin d'après-midi, ce même 25 mars, une foule énervée s'attroupe devant la mairie de Clichy-sous-Bois. Les braves gens veulent voir le maire, Olivier Klein. Il lui reproche de ne rien faire pour protéger les enfants. Parmi eux, il y a même un père de famille avec une machette dans son sac, au cas où la Seine-Saint-Denis rimerait avec Kigali. Olivier Klein vient à leur rencontre, accompagné de David Moreira, le commissaire. Tous deux tentent de ramener au calme cette assemblée fiévreuse, de semer des petites graines de rationalité, comme le dit Olivier Klein, tout en promettant des rondes de la police autour des écoles. Et de fait, l'initiative fonctionne. Auprès d'une partie du groupe, tout du moins, car certains restent en retrait. Ils regardent le maire et le commissaire avec méfiance. Ils ne croient pas ce qu'ils entendent. Les policiers leur cachent la vérité, c'est sûr. Et si la police ne veut pas rendre justice, eh bien la justice, ils la rendront eux-mêmes. Yeah. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Rosny-sous-Bois, 20h. Après le rassemblement devant la mairie, le groupe resté en retrait a une idée. Ils sont une vingtaine. La haine en bandoulière, ils se dirigent comme un seul homme vers l'allée de Gagny, à la limite entre Clichy et Montfermeil. Ils diffusent des vidéos sur Snapchat. Ils appellent tous les soldats de Clichy et de Montfermeil à former des équipes. Leur objectif? Un vieux temple baptiste abandonné à côté du supermarché Auchan. Son toit est troué, sa façade délabrée. Mais ils savent qu'il est habité par des Roms, des Bulgares en grande majorité. Ils sont persuadés d'avoir vu des jeunes filles séquestrées à l'intérieur. Alors, ils le prennent d'assaut. Épouvantées, les familles Roms parviennent à s'échapper. Elles courent tant qu'elles peuvent vers le centre commercial tout proche. Derrière, on entend le cri pétrifiant d'un jeune homme. « Vas-y, attaque !» Il a libéré son chien. C'est un Américain Bully, un gros pitbull qui court la bave aux lèvres, les babines retroussées, droit sur les familles horrifiées. In extremis, celles-ci parviennent à se réfugier dans le magasin de bricolage. Mais l'un des leurs est resté en arrière pour couvrir le groupe. La suite, nous la connaissons par le rapport de la brigade anticriminalité qui, heureusement, patrouillait à côté. Nous arrivons sur place vers 20h. On voit une femme au milieu de la chaussée qui appelle à l'aide. Une soixantaine d'individus s'acharnaient sur une personne au sol à coups de pelle, de bâton. J'ai lancé une grenade de désencerclement et la victime a réussi à s'exfiltrer et à se réfugier derrière nous. Ses vêtements étaient déchirés et ensanglantés. Il était apeuré. Les gens sont revenus vers nous en criant « On va s'en faire un !» Il y avait plein d'enfants roms qui criaient et qui pleuraient. Les familles sont évacuées vers Paris, escortées par la police. Elles ne reviendront jamais à Clichy. Les agresseurs, eux, étaient venus tuer du rhum. Et les exactions continuent. À Noisy-le-Sec, Aubervilliers, Bondy, Villiers-le-Bel, à Chelles aussi. Là, le soir du 26 mars, 6 individus sont ulcérés par la nouvelle qu'un de leurs amis de Vers-sur-Marne leur a apprise. Son petit frère a manqué de se faire enlever. Cet ami n'a pas porté plainte. Mais que cela ne tienne, ils le vengeront sur le premier Rome ou le premier Roumain venu. Alors, ils prennent la voiture et font des tours en ville. Il ne leur faut pas beaucoup de temps pour repérer une camionnette immatriculée en Bulgarie. C'est ce qu'ils cherchaient. Alors, ils la prennent en filature. Ils la suivent pendant 30 minutes. Elle traverse Montfermeil, Gagny, Laurency, Bondy, Noisy-le-Sec, avant de gagner sa destination finale, le bidonville de la rue de Paris, à Bobigny. Dans la voiture, les agresseurs s'entraînent mutuellement dans leur colère et dans leurs bêtises. Ils font des vidéos « ça va être la guerre », envoient-ils fièrement à leurs amis, armés de barres de fer, qu'ils agitent frénétiquement. La cible est identifiée et ils appellent du renfort. Et une fois de plus, c'est la police qui fait des rondes autour des campements, qui s'interpose face au délire meurtrier de la quinzaine d'assaillants, briques dans les poches, et qui tente de déclencher un incendie. Les 25, 26 et 27 mars, les violences se multiplient. Elles sont toutes mises en scène, commentées en direct. Les coups et les insultes sont là pour être écoutés, likés, retweetés, relayés des milliers de fois. Et comme par hasard, entre Clichy et Montfermeil, une camionnette encore et toujours est détruite. Autour d'elle s'agit une dizaine de jeunes hommes déchaînés. À l'intérieur, deux personnes. Ils leur balancent des pierres. Le tout est filmé et partagé, évidemment. On va vous enculer. On va vous niquer vos mères. Descends. Abrutissez-vous. On va vous enculer. Descends, descends, fils de pute. Descends. Grandi, grandi. On va vous niquer vos... Descends, descends, descends, descends là. Descends, on va niquer ta mère. Le 26 mars, en fin de journée, Aulnay-sous-Bois, un jeune homme de 18 ans est au volant de sa voiture. Sur la banquette arrière, il y a deux enfants. Compte tenu des rumeurs préoccupantes, le jeune homme a proposé à leurs parents, qu'il connaît bien, de les raccompagner chez eux à la sortie de l'école. Sur la route devant lui circule une camionnette. Celle-ci n'est pas blanche, elle est rouge. Mais la rumeur n'en est plus à ce détail près. Et comme le conducteur et son passager ont l'air roumains, le jeune homme scrute attentivement le véhicule à l'affût du moindre comportement suspect. Et voilà que la camionnette s'engage sur un rond-point et qu'elle en fait un tour complet. Le conducteur a très certainement raté sa sortie. Mais le jeune homme se sent investi d'une mission citoyenne. Et il ne lui en faut pas plus pour aller contrôler le véhicule. Or, à peine a-t-il fait s'arrêter, qu'un groupe d'autres jeunes se précipite dessus, en sortent les deux occupants et les tabassent. Plus tôt dans la journée, à Sevran, cette fois, un homme qui se surnomme Black Vénère, sur Snapchat, fait circuler une autre vidéo. Il est devant un hôtel social et annonce crânement qu'avec ses amis, il a retrouvé les voleurs d'enfants. Preuve à l'appui, il filme leur camionnette rouge et sa plaque d'immatriculation. Très vite, d'autres le rejoignent sur le parking de l'hôtel. Ils savent que les prétendus malfaiteurs sont à l'intérieur. Ils leur hurlent insultes et menaces, prétendant qu'ils vont entrer pour les tuer. Avertis, la police dépêche une brigade sur place pour organiser l'évacuation. On l'a trouvé, ce fils de pute. On a la plaque, on a la veste, on a tout ce qu'il faut. Hey, regardez, on a ramené tout le monde. On l'a arrêté, ce fils de pute. Tu vas sortir, ce fils de pute. On n'est pas des caisses, mais on fait leur boulot. On va gratter un poste, là. On va passer à la douane, là. Ah, elle est là, la meuf. Oh là, c'est la meuf. Sur la mec, c'est la meuf, la salope. Ouais, joue, mais y a pas de souci, elle est là, la salope. Hey, ils sont là, les fils de pute. Ah, vous allez mourir. Vous allez mourir, bande de fils de pute. Tu vas mourir, la chatte à ta mère. Mais l'évacuation de la famille Rome par la police est détournée sur les réseaux sociaux. Sur les photos, on lit une famille Rome interpellée. Ce qui ne fait qu'accréditer encore plus, au grand désespoir de la police, la rumeur des kidnappeurs d'enfants. Au micro de l'agence France Presse, Saïmir Milne, porte-parole de l'association La Voix des Roms, s'insurge contre la rumeur et ses conséquences. La sécurité, même la vie des personnes, est mise en danger par des personnes parfaitement irresponsables qui inventent des histoires sur base de stéréotypes qu'on connaît depuis le Moyen-Âge. C'est le fameux tziganes qui volent les enfants pour les manger ou pour les vendre ou je ne sais quoi d'autre, pour les organes, là. Je ne connais pas l'origine d'où est partie cette rumeur, qui le premier a eu cette idée, mais je sais qu'elle a été propagée et que plein de personnes l'ont relayée avec des appels à la violence qui portent atteinte à la vie et à la sécurité des personnes aujourd'hui. La Voix des Roms constate les dégâts. Entre le 16 mars et le 5 avril, en 20 jours, on compte 38 agressions en Île-de-France. Coups de feu, harcèlement, incendie, insultes, menaces, lynchages. 19 personnes sont mises en garde à vue pour violence volontaire. Dans les campements de Roms, c'est la sidération et la peur. Les habitants détachent les plaques d'immatriculation de leurs véhicules. Plus personne ne dort, plus personne ne sort, ni pour aller faire des courses, ni pour aller travailler, ni pour soigner les blessures. Tout déplacement est devenu dangereux. Le virus de la rumeur débouche sur un confinement. Les enfants ne vont plus à l'école, car s'il y a des enfants dont la vie est réellement en danger en Seine-Saint-Denis, ce sont bien ceux des Roms. On a peur qu'on nous les prenne, lâche une mère dans un bidonville, la gorge serrée. Autour des campements, heureusement, des services de police ont été dépêchés pour dissuader les éventuelles crises délirantes du voisinage et pour rassurer les Roms. Dans la nuit du 27 mars, les habitants du bidonville de Bondy se sentent un peu plus en sécurité que la veille, grâce à la patrouille. Les policiers échangent quelques mots avec les hommes restés tout de même sur le qui-vive. Un brigadier toise un Rom depuis sa voiture. « Alors, c'est vous les voleurs d'enfants ?» crache-t-il à son interlocuteur dont le visage se décompose. Quand un représentant de l'état de droit cède au délire raciste pour les Roms, il y a de quoi désespérer, à l'image de cette jeune fille. Bonjour, je suis Denissa. Aujourd'hui, je fais des photos pour une vidéo que je voudrais vous montrer. Je voudrais bien que ce qui s'est passé hier ou tous les jours, la nuit, on voudrait que ça s'arrête. Parce que nous les Romains, on n'est pas des voleurs d'enfants. On mange pas les enfants, on n'est pas des ogres pour manger des enfants. On voudrait que ça, pour toujours, que ça s'arrête. Merci. Les bidonvilles se sont vidés. Les Roms se sont dispersés d'eux-mêmes ou ont été évacués par la police qui ne les a pas ménagés, même après ce qu'ils ont vécu. L'identité des victimes reste inconnue, la gravité de leurs blessures aussi. Ce sont donc d'étranges procès qui s'ouvrent devant les tribunaux de Seine-Saint-Denis. Des procès sans victimes. La Voix des Roms ou la LICRA, entre autres, se sont portées partie civile à leur place. Face à elles, sur le banc des accusés, elles voient défiler des hommes. Ils sont plus ou moins jeunes, n'ont pour la plupart pas de casier judiciaire. C'est la première fois donc qu'ils passent devant un juge. Ils sont pères de famille, l'un est manager d'un magasin de sport, d'autres suivent des formations d'ambulanciers ou de cheminots. Ils sont jugés pour ces règlements de compte moyenâgeux, pour avoir cédé à la force de la foule, à l'hystérie collective. Une crise de bêtises fulgurante aiguë, plaide un avocat. 10 mois ferme pour l'un, 6 pour celui qui a lancé son chien, 8 avec sursis pour un autre. Là, ils auront de quoi avoir peur, eux qui font vivre désormais dans l'univers violent de la prison. Et là, ce n'est pas une rumeur. C'est en avril 2019 que l'épidémie s'est arrêtée, d'elle-même, en Seine-Saint-Denis, comme une maladie qui, ayant contaminé assez de personnes, finit par s'éteindre. Peut-être est-ce là également une caractéristique des réseaux sociaux. Heureusement, rien n'y dure très longtemps. Sur la toile, tout passe et tout lasse, mais quel casse. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme, somme, somme. L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. Et s'il le faut, je vais les changer, moi. Regarde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux. Garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la rumeur des Roms kidnappeurs d'enfants. Notre invité, Christophe Boltanski, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain et auteur d'un reportage sur cette rumeur paru dans Zadig l'an dernier. Vous avez passé du temps sur place et on va y revenir. La radio a parfois plus de force que les autres médiums, notamment par le son, évidemment par le son. Et ce qu'on a entendu tout à l'heure était particulièrement violent. La violence, c'est d'abord le marqueur de cette histoire, de toute cette histoire. Oui, oui, tout à fait. Même si cette violence, elle, pour qu'on en prenne vraiment toute l'ampleur, il manque les victimes. Bien sûr. Et moi, ce qui m'a le plus frappé dans toute cette histoire, c'était que les victimes étaient devenues des fantômes, que leur nom parfois ne figurait même pas dans les dossiers de la justice. Et évidemment, ils avaient pour la plupart, personne n'avait porté plainte. Il faut bien se rendre compte, il y a eu 38 agressions en à peu près 10-15 jours. Pas une plainte, personne n'a osé se tourner vers la justice. Évidemment, ils n'étaient pas présents au procès. Donc les bandes du côté de la partie civile étaient vides, à part les représentants des organisations comme la LICRA ou la Voix des Roms. Et ils n'étaient même pas... Leur nom n'était même, pour la plupart d'entre eux, n'était même pas, n'avait pas été relevé par les policiers. Quelqu'un a été lynché devant. Vous en faites état dans l'émission à la limite entre Montfermeil et Clichy-sous-Bois. Il a été vraiment très très salement frappé. On ne connaît pas son nom. Il a disparu. Ils ont été ensuite raccompagnés par les policiers aux portes de Paris et ils sont sans doute repartis en Bulgarie. On note quand même que ça n'a pas été impuni, hein. Il y a eu des peines qui ont été prononcées, quand même des peines de prison ferme, donc il n'y a pas non plus une totale impunité là-dedans. Non, non, tout à fait, tout à fait. Même si, encore une fois, les personnes qui ont comparu, il y a une vingtaine de personnes donc qui ont été donc jugées, ne comprenaient vraiment pas ce qu'on leur reprochait. Ah bon ? Ils n'avaient pas pris d'avocat. Pourquoi prendre un avocat alors qu'on a voulu défendre des enfants et faire le travail de la police? Donc, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils, évidemment, ils ont fini par petit à petit, hein, au cours de l'audience, comprendre un peu mieux ce qui leur était reproché, mais ils étaient encore un mois après les faits convaincus de leur bon droit. C'est ça, ils ne faisaient pas la différence entre le bien et le mal dans leur action, en gros. Vous avez passé du temps sur place à rencontrer les différents acteurs de cette rumeur. C'était donc l'année dernière pour votre reportage. D'abord, est-ce qu'on peut dire que la rumeur s'est éteinte? Non, d'abord, je pense que vous avez filé cette métaphore que j'avais repris également. C'était avant le Covid, de la pandémie. Mais de la même façon que les virus ne disparaissent pas jamais totalement, ouais. Encore que celui de la grippe espagnole, on peut espérer qu'il ne réapparaîtra pas. Mais les rumeurs, c'est pareil. Hein. Cette rumeur, d'abord, elle est ancestrale. La bohémienne voleuse d'enfants, vous trouvez ça, c'est presque une figure littéraire. Hein. Vous avez ça dans Cervantes, dans L'homme tiré de Victor Hugo. C'est vieux comme le monde. Là, évidemment, il y a des éléments de modernité qui sont rajoutés. La camionnette blanche, sans doute liée à l'affaire du trou qui avait à l'époque utilisé une camionnette blanche, les vols d'organes. Mais cette rumeur-là, de la camionnette blanche conduite par des Roms pour voler des enfants, elle avait déjà fait son apparition à Grenoble, dans le nord de la France. Oui, puis on en a parlé d'ailleurs dans l'affaire Sensible. Et puis c'était retombé. Et on peut penser que malheureusement, elle soit toujours là, comme de la braise, prête à repartir. Au moindre signal. Au moindre signal, quelque part en France ou ailleurs. L'épicentre de cette rumeur au printemps 2019, donc on l'a dit, c'est la Seine-Saint-Denis. N'y a-t-il vraiment que les habitants de ce département qui ont été exposés? En fait, dans cette séquence qui est très très courte, hein, ça commence dans les Hauts-de-Seine. Ça commence à Colombes. Là, il y a aussi déjà des lynchages, hein, qui se produisent. Et ces agressions contre les Roms ont valeur de preuve pour les gens. C'est-à-dire que elles viennent accréditer la rumeur. Puisqu'on les attaque, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Il n'y a pas de fumée sans feu. On va écouter la déclaration à l'époque des faits de... Non, pas à l'époque des faits, avant. La déclaration de Manuel Valls, c'était en septembre 2013, sur France Inter. Écoutez. Depuis que je suis ministre, j'ai décidé le démantèlement de ces véritables bidonvilles qui représentent à la fois un danger pour les populations elles-mêmes, pour les populations d'origine rome, mais aussi évidemment pour les habitants des quartiers populaires. C'est illusoire de penser qu'on règle le problème des populations roms à travers uniquement l'insertion. Et donc cela passe par des reconduites à la frontière, cela est passé aussi par la fin de cette aide au retour qui a créé un véritable appel d'air, nous y avons mis fin, mais ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation. Le maire vient de le dire, le maire, Monsieur Vignoble vient de le dire il y a un instant, il faut tenir compte de cela. Et donc cela veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur, plus précisément, à cette époque-là, qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration politique ? Ça m'inspire le fait que, vis-à-vis des Roms, il y a une libération totale de la parole. On se permet de dire sur les Roms des choses qu'on ne dirait vis-à-vis d'aucune autre communauté humaine. De dire que les Roms n'ont pas vocation, parce que c'est ça que ça veut dire, qu'ils n'ont pas vocation à vivre ou à même être simplement présents sur le sol français, c'est quelque chose qu'un ministre, quel qu'il soit, de quelle que soit son appartenance politique, n'aurait certainement pas dit à propos d'autres gens. Ouais. Donc c'est ça qui est assez surprenant d'ailleurs. Comment expliquer ça ? Ça renvoie à ces vieilles traditions par rapport aux Roms ? On est toujours là ? C'est chose très très ancienne, c'est quasi une peur quasi moyenâgeuse du bohémien, des voleurs, de voyageurs, donc comme ça, et donc nomades, ne respectant aucune loi. C'est un préjugé extrêmement vieux, extrêmement ancien, et surtout sans doute qui n'a très peu été combattu, en fait. Ce racisme-là, finalement, a peu été contré par les gens qui portent la voix, une voix publique. D'où les dégâts sur ces populations. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté une chanson qui s'appelle La Rumeur, Che Cario. Elle court à l'abîme, elle s'allie. Chienne puante, corvéable à merci. Elle respire la haine, suit la honte. Il y a longtemps, il lui fallait détente. Elle court à l'abîme, elle s'allie. Courant d'air d'infamie. Sur la fumée sans feu. Elle sécrète son venin visqueux. Elle court à l'abîme, elle salit. Venant d'on ne sait où, d'on ne sait qui. Toujours anonyme et piteuse. Elle détruit des familles heureuses. Elle court à l'abîme, elle salit. Ses larmes des lâches, des pourris. Celle qui laisse sans défense ses victimes effondrées. Sous l'enfance, elle court à l'abîme, elle salue. Immonde hydre impuni. C'est toujours de source sûre qu'elle délivre ses terribles morsures. Elle court, elle abîme, elle salit. Amis du peuple, comme des nantis. C'est la pire peine de mort, celle qui tue encore et encore. Aucun n'a pu lui attraper la queue. Les braves gens n'aime pas que les braves gens. N'aime pas que non, les braves gens n'aiment pas. Elle court à l'abîme, elle salit. Venant d'on ne sait où, d'on ne sait qui. Toujours. anonyme et piteuse. Elle détruit des familles heureuses. Elle court, elle abîme, elle salit. C'est l'arme des lâches, des pourris, celle qui laisse en défense ses victimes effondrées. Effondré sous la France. La rumeur contre les Roms dont nous parlons avec notre invité Christophe Boltanski. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain et auteur d'un reportage sur cette rumeur parue dans Zadig l'an dernier. Vous êtes rendu dans des campements de Roms en Saint-Denis peu après les faits. Était-il encore sous choc? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il vous disait? En fait, ça a été très difficile hein, de rencontrer des gens qui avaient été donc victimes de cette rumeur. La première fois, j'ai essayé de m'y rendre avec des amis et quelqu'un et Rome qui ont essayé de faire rencontrer des victimes, et ça n'a rien donné. Mais nous avons été quand même témoins à cette occasion d'un incident tout à fait mineur, hein, mais qui montre bien l'état de peur dans lequel ils sont. Les enfants roms du campement jouaient le long du canal avec un petit chiot, et le chiot est tombé à l'eau. Et mon ami s'est immédiatement précipité pour récupérer le chien, sortir de l'eau. Mais il y avait tout de suite un attroupement de l'autre côté du canal de gens composés de joggeurs, de promeneurs, etc., qui ont commencé à hurler et à accuser ces enfants de maltraitance animale, de qu'ils allaient évidemment prévenir la police. Et on voit bien que la suspicion, elle est là, elle est permanente, et que les tensions peuvent repartir très très très vite. Et donc j'ai rencontré des Roms, mais par le biais d'une association hors du campement, et eux-mêmes me disaient qu'ils vivaient encore, effectivement, c'était un mois et demi après, hein, dans la peur. Et c'est vrai que beaucoup d'entre eux, par ailleurs, étaient repartis en Bulgarie, en Roumanie. Peut-être qu'ils sont revenus depuis, ça je ne sais pas. Mais oui, la tension était toujours très très forte. La voix des Roms, c'est un soutien important pour eux. Elle a le mérite d'exister, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est une population à la fois visible, parce qu'on voit ses bidonvilles, on voit ses campements, mais en même temps totalement invisible, qui est sans voix. Et donc cette association, elle est intervenue auprès des victimes. Elle a essayé de recenser toutes les agressions qu'ils avaient subies. Il a été même question à un moment donné de au-delà des procès intenté contre les agresseurs, d'essayer de monter un dossier pour démonter cette rumeur, pour essayer de comprendre d'où elle venait, comment elle avait été propagée par les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont une responsabilité évidemment dans cette affaire. Évidemment. Les réseaux sociaux, évidemment, pas un support naturel, entre guillemets, de la rumeur. Tout à fait. C'est vraiment le miroir sans teint, on dit ce qu'on veut, on n'est pas vu. Donc comme ça, pour faire courir une rumeur, c'est absolument idéal. Si j'ose dire, les bidonvilles dont nous parlions à l'instant, que sont-ils devenus? Mais c'était la double peine. Ils ont été donc attaqués hein, fin mars, et ensuite, parce qu'il y avait presque tout le temps des arrêtés d'expulsion qui étaient pendantes, à l'après la fin de la trêve hivernale, tous ces campements ont été expulsés. Donc, ils ont été à la fois, ils ont subi à la fois l'attaque de ces foules, ils ont subi ces lynchages, et ensuite, ils ont été renvoyés sur les routes. Je reviens à la rumeur, à l'origine de la rumeur. Si on continue à filer la métaphore virale, c'est un cluster, hein, finalement. Donc on se bat contre les clusters, justement, pour pas que ça se propage, ces mauvaises idées, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises, notamment surveillance d'Internet? Je sais à quel point c'est difficile, par définition, de surveiller ce qui se dit sur Internet. Mais bon, et quelles mesures on essaie de prendre, quand même, par rapport à ce genre de phénomène, de fléau? Est-ce qu'on en prend des mesures? Est-ce que c'est possible? Ben, je pense qu'on doit pouvoir appeler les réseaux sociaux à prendre leurs responsabilités. On l'a bien vu aux États-Unis, même vis-à-vis de la parole d'un président comme Trump. Voilà, Facebook et Twitter ont pris des mesures. Donc, s'ils ont pu prendre des mesures contre le président des États-Unis, ils doivent peut-être pouvoir prendre des mesures contre des gens qui appellent à tuer et à lyncher sur leur même page, dans les mêmes réseaux sociaux. Mais aussi, je pense qu'il faut. On voit bien que dans une rumeur, il y a à la fois le bouche à oreille, hein, mais il y a aussi des personnes qui vont légitimer cette rumeur. On voit bien que dans cette histoire, il y a un président d'un club de football, des responsables officiels, il y a même des religieux qui ont colporté cette rumeur par. Enfin, encore une fois, je ne leur fais aucun procès. Je pense qu'ils étaient tout à fait de bonne foi. Mais évidemment, ça a accrédité encore plus cette rumeur. Ça a presque mis une sorte de sceau d'officialité dessus. Et donc, évidemment, les gens qui ont une parole publique sont encore plus, ont une responsabilité encore plus grande dans ce genre d'histoire. Quant aux paroles non publiques, la parole qu'on a entendue tout à l'heure, vengeresse. Elle était terrible. Il y avait une énorme violence. J'ai un peu de mal à croire qu'il y avait là-dedans que de la bienveillance pour protéger les enfants. On a quand même entendu de la haine. Au-delà de ça, je sais pas si vous ressentez ça comme ça. Oui, tout à fait. Oui. Non, il y a ce racisme, hein, dont on parlait à l'égard des Roms. Il y a aussi une forme de complotisme, hein. Il y a une sorte de défiance à l'égard de la police, des autorités, et les gens sont convaincus qu'on leur ment, qu'on leur dit évidemment pas tout, que pour ne pas les effrayer. Donc il y a un mélange, il y a toute une sorte de conjonction comme ça de différents ingrédients qui font partir cette rumeur. Cette affaire se passe, rappelons-le, au même moment que la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, la comparaison s'arrête là, mais où un terroriste d'extrême droite a relayé en direct sur Facebook le massacre de 50 personnes dans des mosquées. Écoutez ce qu'en disait Jacinda Ardern, première ministre de la Nouvelle-Zélande à l'époque. L'attentat du 15 mars à Christchurch a été un événement sans précédent, c'est-à-dire qu'il a utilisé les réseaux sociaux afin de diffuser ce message de terrorisme et d'extrémisme. 51 femmes, enfants de la communauté musulmane ont été tuées. Et leur meurtre a été diffusé en ligne. La vidéo a été partagée à une telle vitesse que YouTube a enregistré une mise en ligne par seconde pendant les 24 premières heures. La dimension liée aux réseaux sociaux fait de cet attentat un attentat sans précédent. Alors, il ne s'agit pas d'une rumeur, en l'occurrence, pour ce fait-là, mais ça montre que les gens cherchent la preuve par l'image, y compris dans ce qu'ils font de pire, hein, et on le retrouve avec les Roms. Oui, il y a d'abord il y a une forme d'entre-soi, hein, qui est créée par les réseaux sociaux, de côté communautaire, où là la rumeur se diffuse, mais elle se diffuse. Ce sont des centaines, des milliers de messages. Hein. Ouais. Et donc, même des gens de toute bonne foi, quand ils reçoivent 1, 2, 3, 10, 20, 30 messages, ils finissent par y croire. Et puis, effectivement, ces images d'agression qui viennent nourrir la rumeur. Parce que si on a attaqué cette camionnette, c'est que les gens de cette camionnette avaient fait forcément quelque chose de très mal. Et donc tout finit par jouer, par nourrir la rumeur. D'où sa construction. Merci infiniment, Christophe Boltanski. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la rumeur des Roms, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sofiane Aktib. Demain, ici, même endroit, même heure, nous vous raconterons l'histoire du film Dupont-la-Joie, une expédition punitive de son cerveau. Là encore, résonance. Et puis, concernant la fiction de la semaine dernière, l'affaire Alstom, vous semblez l'avoir beaucoup appréciée, vous avez apporté beaucoup de témoignages en ce sens et nous en sommes ravis.